a 100 ans, presque jour pour jour, naissait Richard Feynman, un physicien hors pair, au fonctionnement intellectuel iconoclaste que d'aucuns qualifièrent de génial. Richard Feynman a contribué à repenser la mécanique quantique, les forces fondamentales, il a eu l'intuition de l'ordinateur quantique et fut dans le même temps un vulgarisateur exigeant, à la pensée complexe, parfois ardue, mais qui gagna certainement par son originalité le respect et la notoriété, outre-Atlantique notamment, où son parcours suscite aujourd'hui encore de nombreuses vocations. L'étrange physique de Monsieur Feynman, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les travaux et la carrière de Richard Feynman, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Zine Justin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, théoricien, conseiller scientifique au CEA et membre de l'Académie des sciences. Et Jean-Bernard Zuber, bonjour. Bonjour. Physicien, théoricien également, professeur émérite à Sorbonne Université. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, l'émission sur les ondes de France Culture et en parallèle, eh bien, pour tous les schémas, les études, un certain nombre d'archives auxquelles nous allons faire référence via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, pour commencer, peut-être un mot, on en discutait juste avant le début de cette émission, et je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord l'un l'autre. Mais justement, un mot sur la notoriété et la postérité de Richard Feynman, en dehors de la communauté des physiciens théoriques, ou des théoriciens, de sa notoriété pour le grand public. Il a, aux États-Unis, quasiment un statut, j'ai presque envie de dire, de rockstar pour les étudiants en sciences, ou d'icône tout du moins. Et ce statut, on a le sentiment qu'il n'a pas tout à fait traversé l'Atlantique. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord, Jean-Bernard Zuber, sur cette perception. Peut-être avez-vous raison, peut-être cela est-il dû au fait qu'une bonne partie de son héritage est, auprès des étudiants, auprès des jeunes, doit être constituée par ces fameuses Feynman Lectures. Et certainement, elles sont très... Elle continue d'être utilisée, elle continue c'est d'être présente. C'est cours de physique. C'est cours de physique, c'est ça, cours de physique pour les étudiants débutants. Je crois qu'on en reparlera bien tout sûr à l'heure. Et ce sont des cours tout à fait remarquables. Je pense que les étudiants américains d'aujourd'hui peuvent continuer à les pratiquer. Je ne suis pas sûr qu'effectivement nos étudiants français y aient accès, ou en tout cas qu'ils soient guidés vers ces sources. Donc ça peut expliquer effectivement que le grand public, en particulier nos jeunes, ne connaissent pas tellement le nom de Feynman. Il y a un aspect, Justin, oui, il y a un aspect de pédagogie au sens américain du terme, hein, qui est pas le même que la façon dont nous expliquons les choses. Et probablement ça gêne. Moi, j'ai pas lu les Feynman Lectures, mais je les ai écoutés quelques passages avec des étudiants. Et c'est une façon de présenter les choses où l'aspect un peu formel mathématique relativement simple est expliqué de façon très claire et très détaillée, mais où dès qu'une difficulté se présente, eh bien, on utilise un peu de magie noire. Parce que. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que quand on est un pédagogue brillant, on n'aime pas se retrouver devant un problème qui est technique. De temps en temps, il est difficile de parler de quelque chose qui n'est pas technique. Eh bien, ça ennuie les étudiants. Hein, parce que c'est compliqué, ça ralentit le discours. Et donc, à ce moment-là, on sort un lapin de son chapeau, quoi. C'est-à-dire que... Alors, dans le cas de Feynman, par moment, il a une façon intuitive extrêmement brillante de l'exprimer, de ne pas aller dans la technique, mais d'exprimer quand ils le font. Mais je suis sûr que les étudiants ne le comprennent pas. Mais quand ils rentrent chez eux, je pense qu'ils se disent « je croyais avoir compris, c'est trop difficile ». Jean-Zine Justin, c'est juste parce que ces Feynman Lectures, ces cours de physique sont réputés pour être assez ardus pour les étudiants. J'ai cette citation de David Goodstein qui disait « je vous la soumets à l'un et à l'autre ». Même quand ils pensaient fournir des explications claires aux étudiants de première ou de deuxième année, ce n'était en réalité pas toujours eux qui en tiraient le plus grand bénéfice. Nous, scientifiques, physiciens, professeurs, étions les principaux bénéficiaires de sa magnifique entreprise, qui n'était rien de moins que de voir toute la physique avec des yeux neufs, Feynman était plus qu'un grand professeur, c'était un grand professeur de professeurs. Oui, oui, je connais cette citation qui est en effet classique. Je pense que c'est très vrai. Il y a des tas de clins d'œil, pour reprendre un petit peu ce que dit Jean, il y a des tas de clins d'œil au lecteur ou à l'auditeur éclairé, qui comprend les choses, qui connaît déjà un peu le sujet et qui comprend qu'effectivement, Feynman a trouvé une manière particulièrement élégante de contourner une difficulté ou de présenter le sujet. Pour l'étudiant débutant, ça doit être complètement renversant ou mystérieux. Et je crois que c'est correct de dire que Feynman n'a pas fait un très bon travail. Il avait été missionné pour essayer d'intéresser les étudiants de Caltech qui se détournaient de la physique. Donc, il a accepté de relever le défi et d'essayer de donner des cours aux étudiants de première et deuxième année. Eh bien, au bout de 2 ans, je crois qu'il a arrêté parce que les étudiants n'appréciaient pas les cours à leur juste valeur. Et effectivement, les cours étaient plutôt destinés à un public averti que des étudiants vraiment débutants. Qui comprenaient comment on peut sortir un lapin d'un chapeau. Caltech, qui est le MIT de la côte californienne, l'université technique où Feynman a enseigné notamment. Un mot pour continuer ou pour poursuivre ou peut-être conclure cette introduction, malgré l'oxymore que ça représente. Cette autre citation que j'aimerais vous soumettre à propos de la nature iconoclaste de la pensée de Feynman. Il me semble que iconoclaste, c'est un mot qui définit bien cette pensée. On va le voir au cours de cette heure. C'est une citation de Marc Kac que vous connaissez peut-être. Il y a deux types de génies, les génies ordinaires et les magiciens. Un génie ordinaire est un type comme vous et moi pourrions l'être. La manière dont son esprit fonctionne n'est pas un mystère. Dès que nous comprenons ce qu'il a fait, nous sommes alors persuadés que nous aurions pu faire de même. Les magiciens sont différents, ça rebondit sur ce que vous disiez, Jean-Zine Justin. Même quand nous comprenons ce qu'ils ont fait, le processus par lequel ils y sont arrivés nous est inaccessible. Richard Feynman est un magicien d'un niveau exceptionnel. Jean-Zine Justin, est-ce que ça confirme cette théorie du chapeau, du lapin qui sort du chapeau ? Non, il est certain qu'il a eu très rapidement, et très jeune d'ailleurs, des pensées très originales. Hein, et qui ont, on en reparlera, mais par exemple justement, l'introduction de l'intégrale de chemin, ça a donné une nouvelle vision de la mécanique quantique, complètement différente, et avec qui permet d'avoir une autre compréhension de la mécanique quantique. Et ça, c'était très remarquable. Pour son aspect pédagogue, effectivement, c'était un pédagogue qui finalement s'adresse aux gens cultivés. Mais il a quand même eu beaucoup de succès. Moi, je suis en train de finir un livre de 500 pages, et j'ai compté le nombre de fois où le mot Feynman apparaissait. Il apparaît 86 fois. Donc, quand même, ça veut dire que... Pêche sur 5, c'est pas mal. C'est pas mal. 20% hein, du livre. Et en particulier, bien entendu, à cause des diagrammes de Feynman. Dont nous allons parler, évidemment. Pour la communauté des gens un peu plus éduqués que les étudiants de première année et deuxième année, il a su aussi expliquer les choses de façon intéressante. Jean-Bernard Zuber. Je pense que le propos de Marc Katz visait le Feynman chercheur davantage encore que le Feynman professeur, vulgarisateur. Et à ce point de vue-là, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que Feynman était un chercheur prodigieusement original. Il avait effectivement cette attitude quand on lui soumettait un problème, il reprenait le problème à la base et selon sa propre voie. Et à plusieurs reprises, il a fait ça, il a pu faire une percée en reprenant les choses de façon différente des prédécesseurs. Donc c'est ça, je crois, c'est cette originalité profonde à laquelle faisait allusion Marc Katz. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons tout au long de cette heure de Richard Feynman avec Jean-Zine Justin et Jean-Bernard Zuber. Peut-être un mot pour commencer. Il y a 100 ans donc presque jour pour jour, puisque nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Richard Feynman est né le 11 mai 1918 à New York. Un mot sur peut-être son enfance ou ses études. Il est très précoce, il a un intérêt immédiat pour les sciences. Il passe un certain nombre d'années, 3 ans d'avance dans son cursus scolaire, qu'est-ce qu'on peut dire que savez-vous l'un et l'autre? Comment appréhendez-vous ce Richard Feynman qu'on décrit effectivement comme une forme de génie précoce et immédiatement passionné par le terrain scientifique, Jean-Bernard Zuber? Je ne connais pas très bien les détails de son enfance. J'ai lu quelque part que comme tout jeune enfant, il avait été assez tardif dans son langage. Il a été long à parler. Je crois qu'à 3 ans, il parlait à peine. Et en cela, il rejoint Einstein et quelques autres. Donc, pour les parents qui nous écoutent et dont l'enfant tarde à parler, ne vous inquiétez pas. C'est un bon signe. C'est peut-être un bon signe. C'est peut-être un bon signe. Je sais qu'il a été effectivement très vite très attiré par les sciences et très brillant. Il s'est fait reconnaître au moment où il était étudiant, mais sur son adolescence, je n'ai pas tellement d'informations. Non. Jean-Zine Justin ? Non, ce qu'on peut dire de lui en regardant sa période scolaire, c'est que je pense qu'il aurait été très facile à intégrer dans le système français. Il était un étudiant brillantissime, il aurait eu le concours général de mathématiques, en fait, il était très bon en mathématiques. Et il a d'ailleurs hésité plus tard entre les mathématiques et la physique. Mais en fait, en même temps qu'il s'intéressait aux mathématiques, il était prodigieusement doué, eh bien, il s'intéressait aussi à l'ingénierie. Il avait un aspect un peu pratique, il voulait faire des choses. Et finalement, s'il n'a pas choisi les mathématiques, je pense qu'il l'a fait pour les mêmes raisons que beaucoup de théoriciens. C'est-à-dire ayant des compétences en mathématiques, mais quand même fasciné par le monde réel. Il a trouvé cette voie intermédiaire qui est la physique théorique. Et je crois que c'est ça qu'il a décidé. Hein. Mais je pense que... Alors, la chose remarquable, c'est que tout le monde cite, c'est que lorsqu'il était undergraduate hein, aux États-Unis, c'est les gens qui sont 4 premières années d'études universitaires, eh bien, il a écrit 3 articles qui ont tous été publiés. Hein. Donc, et en particulier, la dernière année, il a publié un article que je n'ai pas lu et dont j'ai découvert l'existence que très récemment, les forces intermoléculaires. Avec John Wheeler. Ah, oui. Avec John Wheeler. Qui est directeur de thèse. Oui, et qui, alors, je ne sais pas quoi, 4000 citations, je ne sais pas quoi. Mais, on va revenir sur sa carrière universitaire, je voudrais vous soumettre... Ce n'est pas avec John Wheeler, c'est encore au MIT avec... Encore au MIT avec, malheureusement j'ai oublié son nom. On va reparler de ses débuts, parce qu'effectivement, John Wheeler, c'était à Princeton, il a commencé au MIT. On va reparler de ses débuts de carrière universitaire. Ajouter quelque chose, Jean-Marc? Une réminiscence sur ses années d'adolescence. Je sais que c'est peut-être ça qui l'a conduit ensuite à s'intéresser à l'ingénierie, à envisager une carrière en ingénierie. Il aimait beaucoup travailler avec les doigts. Oui, tout à fait. Donc, il aimait réparer les postes de radio, les réveils, les cadenas. Et, donc, cette manipulation, c'était quelque chose qu'il a suivi toute sa vie. Je crois qu'il a toujours eu un... Très tôt, dans son garage. Il fabriquait des alarmes ou des choses comme ça. Il avait ce côté très pratique qu'on retrouve d'ailleurs, c'est un autre sujet dans l'enseignement des sciences aux États-Unis qui est très appliqué. Peut-être plus d'ailleurs finalement que qu'en France ou en Europe. Une autre anecdote qui est intéressante, mais qui va me permettre de vous faire écouter la voix de Richard Feynman, c'est tout de même intéressant. Il raconte que l'importance de son père, du rôle de son père dans l'apprentissage, notamment par visualisation. On en reparlera tout à l'heure pour les diagrammes. Son père lui expliquant par exemple qu'est-ce que c'est qu'un tyrannosaure. Bien, regarde la fenêtre. Voilà, un tyrannosaure, ça fait 8 mètres, donc il pourra passer la tête par la fenêtre du premier étage, mais en fait, il pourra pas la rentrer. Bref, l'importance de la visualisation. Et justement, sur cette importance de la visualisation, écoutez ce qu'en dit Richard Feynman à propos de son propre rapport à la visualisation. J'essayais de compter dans ma tête jusqu'à 1 minute. En réalité, quand je comptais jusqu'à 46, il s'était passé 1 minute. Donc je me calibre et je sais que je serai à 1 minute et que quand j'aurai compté jusqu'à 46, je serai assez proche. À force de faire cette gymnastique, vous le faites très précisément. Quand vous arrivez à 48, 47 ou 49, ou non loin, vous êtes très proche d'une minute. Et j'essayais de découvrir ce qui affecte cette perception du temps et si je pouvais faire autre chose en même temps que de compter. Et j'ai constaté que je pouvais faire beaucoup de choses. Après, j'ai appris en m'entraînant à compter les interlignes dans un journal et à voir 3, 3, 3, 1. C'est un groupe de 10, sans dire le nombre, juste en regardant les groupes noms. Je pouvais donc compter les interlignes et en même temps, je comptais intérieurement les secondes. Donc je pouvais dire 48, c'est 1 minute et il y a 67 interlignes. C'est tout à fait merveilleux. Voilà, compter, visualiser, tout ça imbriqués l'un dans l'autre. Est-ce que ça vous semble donner... Et parler avec un bel accent. Je l'ai entendu qu'une fois moi-même, mais son accent était spectaculaire. L'accent de Brooklyn qu'il avait gardé. Oui. Ça dit quelque chose à votre avis de ce fonctionnement un peu intriqué, un peu iconoclaste qu'est celui de Richard Feynman? Oui, puis ça dit également quelque chose dont nous reparlons peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il aime bien faire le show, qu'il aime bien montrer qu'il est capable de toutes sortes de performances. On dit que c'était pas une personnalité particulièrement modeste, Jean-Zine Justin. Non. En fait, on dit que s'il a quitté, puisqu'il a commencé, il a d'abord été professeur à Cornell. S'il a quitté Cornell, c'est parce que le grand homme de Cornell, c'était Hans Bethe, qui était d'une demi-génération plus âgé que lui, et que c'était insupportable pour lui d'être le second quelque part. De même, il a quitté précocement le Manhattan Project. Il a été le premier à quitter parce qu'il était sous la tutelle, d'une part, c'était Oppenheimer qui était évidemment le chef de projet, d'autre part, il était dans le groupe théorique où Hans Bethe déjà était le chef. C'est là-bas qu'il l'a rencontré d'ailleurs. Oui. Et donc, ça lui était un peu insupportable. Et donc, quand on lui a fait une offre à Caltech, il est parti à Caltech, il a dit que c'était à cause du temps, de la météo, mais je subodore que c'était parce qu'à Caltech, on lui disait que ce serait lui le chef. Et il manque de chance, à Caltech, il s'est retrouvé avec une autre forte personnalité, à savoir Murray Gell-Mann, avec lequel il a collaboré d'une part, et puis avec lequel il a eu également quelques petites frictions. Donc son choix, sa décision d'aller sur la côte ouest pour quitter les compétitions avec les trop grandes figures s'est avéré un petit peu... raté peut-être. Alors revenons peut-être effectivement à ce début de carrière. Vous l'avez dit, on peut noter, c'est intéressant de le noter, même si c'est un peu anecdotique, parce que ça dit quelque chose de l'air du temps, qu'il est refusé à Columbia pour cause de quota d'étudiants juifs qui étaient atteints. Donc il va aller s'inscrire au MIT, puis à Princeton, où il fait sa thèse avec John Wheeler, qui est lui-même un grand nom de la physique, qu'on associe au baptême, on va dire, des trous noirs. On en parlait avant-hier d'ailleurs dans l'émission. Un mot peut-être sur ses premiers travaux en compagnie de Wheeler, peut-être, Jean-Zine Justin ? C'est avec Wheeler. Il a écrit essentiellement un article très connu avec Wheeler sur le principe variationnel en physique. Et je pense que c'était déjà, et bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'était déjà, il avait commencé à avoir une vision du fait qu'il y a des choses, que le principe variationnel, c'est lié à l'ère mécanique quantique à travers l'intégrale de chemin. Et c'est, pour moi, c'est cette structure-là qui est importante et intéressante. Les articles principaux, il les a écrits plus tard. Il les a écrits en 1948. Il a fait sa thèse en 1943 avec Wheeler. Et autant que je me souviens, avant ça, il s'était intéressé encore au MIT à la diffusion des rayons cosmiques par les étoiles. Et donc, la thèse elle-même qu'il a fait avec Wheeler n'a pas été publiée à l'époque. Elle a été publiée dans des livres beaucoup plus tard. Et donc, c'est les articles de 48 à 50 dans lesquels on trouve l'essentiel de cette contribution de cette époque. Jean-Bernard Zuber, sur ses débuts de carrière, sur cette thèse, et puis on va très vite arriver, on va remonter les manches, et on va arriver dans le dur et à cette fameuse intégrale de chemin que vous venez d'évoquer, puisque c'est le pivot de sa pensée théorique ou des débuts de l'articulation de sa pensée théorique. Sur les précurseurs de ces idées qui ont conduit à l'intégrale de chemin de Feynman, on cite Dirac. Je crois que Dirac avait fait une partie du chemin en comprenant que la phase qui apparaissait quand on calculait devenir un petit peu technique, peut-être quand on calculait un élément de la matrice de transition entre deux états, eh bien, ce n'était rien d'autre que l'action classique entre pour un petit élément, un petit intervalle de temps infinitésimal. Et Dirac n'avait pas fait l'étape supplémentaire de sommer ses contributions, en quelque sorte, ce que Feynman a fait avec brio et qui a ensuite développé et utilisé dans des tas de contextes. Donc, Jean, tu connais très bien l'histoire de ce sujet. Oui, sur le principe de la moindre action, peut-être, effectivement, qui est la propédeutique à l'intégrale de chemin, en quelque sorte. Ce que tu dis est tout à fait correct, bien sûr. Je pense que Dirac était trop mathématicien. Feynman était un vrai physicien. Dirac, une fois qu'il a écrit ce qu'il a écrit, il ne se sentait pas... Il sortait du champ des mathématiques, et je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Alors que Feynman a compris intuitivement, beaucoup plus intuitivement, ce qui se passait. Hein, c'est ça. Et il en a fait beaucoup de choses. L'important, le schéma, je crois qu'il faut que je dise un mot de l'intégrale de chemin. Allons-y, remontons les manches et parlons de cette intégrale de chemin, puisque c'est ce qui va nous permettre ensuite d'aborder les applications à différents domaines de la physique théorique auxquels Feynman a contribué. Donc l'intégrale de chemin, c'est évidemment un formalisme mathématique nouveau à cette époque. Mais l'important, c'est de comprendre quelle relation c'est avec la mécanique quantique, même si ça a débordé ensuite la mécanique quantique. Dans la vision que donne l'intégrale de chemin de la mécanique, c'est une reformulation, c'est-à-dire que ça ne donne les mêmes résultats que les théories anciennes. De Schrödinger, Heisenberg. Mais par contre, ça montre de façon très claire, et à mon avis, c'est la façon la plus claire, la relation entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Quand on utilise les méthodes autres... Des méthodes dites conventionnelles, par ailleurs. Conventionnelles. et quand on se sert pour faire des calculs, qui ne sont pas du tout des choses sans intérêt, pour retrouver la mécanique classique, c'est un processus technique et compliqué, et peu intuitif. Dans l'intégrale de chemin, la formulation de Feynman et de l'intégrale de chemin, c'est... Normalement, en mécanique quantique, les particules suivent une trajectoire. Et le point de vue qu'il a adopté, et qui est déjà dans sa thèse, c'est l'important, c'est le principe variationnel. C'est-à-dire que beaucoup des équations classiques de la physique découlent d'un principe variationnel. C'est-à-dire, vous écrivez une action, et vous dites, si je change un peu l'action, il faut que ça ne change pas beaucoup, et vous trouvez les équations du mouvement. Ce qui d'ailleurs a choqué certains, parce que à cause de la causalité. Mais quand on représente la mécanique quantique par l'intégrale de chemin, on dit, au lieu de considérer une trajectoire classique, qui est celle qu'on fait en mécanique classique, on va considérer toutes les trajectoires possibles entre deux points. Mais avec une phase... ajouter à chaque trajectoire de telle manière qu'il y a interférence entre les trajectoires. Donc la particule quantique, à la différence de la particule classique, elle va explorer tous les chemins possibles. À cause de la phase qui est inclue et qui fait intervenir le quantum d'action, cette action, c'est-à-dire si c'est un objet relativement macroscopique, les interférences vont être tellement fortes que finalement, la trajectoire classique va survivre. Donc on voit, par contre, si c'est un électron, l'électron, il va évidemment, l'action est faible, et lui, il va être très sensible au fait qu'il peut explorer de très grandes trajectoires, il peut diffracter, il peut passer à travers deux trous, les fentes de Young et des choses comme ça. Donc, ça donne une image très, très intuitive, une fois qu'on a accepté l'idée qu'une particule puisse explorer tous les chemins possibles, de comment on retrouve la mécanique classique. C'est quand même très, très important, de comprendre que la mécanique classique apparaît quand même quelque part. Qu'on arrive à retrouver le chemin dans le sens inverse, en l'occurrence dans le sens inverse. Et là où il y a le moins d'interférences, c'est justement aux environs des chemins classiques. Et parce qui satisfont un principe variationnel automatiquement. Voilà, ça c'est une première tentative d'appréhension de cette intégrale de chemin par Jean-Zine Justin. Jean-Bernard Zuber, comment pourriez-vous permettre aux auditeurs de comprendre justement comment Feynman permet effectivement de passer de cette physique théorique à cette physique quantique via un chemin différent, via des processus, un formalisme différent que le formalisme classique typique de Schrödinger ou de Heisenberg? Comme Jean-Zine Justin vient de l'expliquer, c'est effectivement un point de vue complètement nouveau. Au lieu d'avoir à résoudre des équations différentielles qui vous disent comment le système évolue dans le temps, vous allez avoir une vision plus globale en termes d'une somme sur des histoires, on dit quelquefois, plutôt que d'une somme sur des trajectoires, d'une somme sur des histoires, toutes les histoires possibles, toutes les trajectoires possibles qu'explore votre système quantique entre un instant T0 et un instant T. Okay. Donc c'est un point de vue complètement différent. Et ce point de vue, Feynman, par la suite, on va y revenir certainement, il va l'utiliser dans des contextes où la méthode habituelle, la quantification habituelle était très difficile, où on se heurtait à des problèmes de compatibilité entre invariance relativiste et quantification, par exemple. C'était le cas de l'électrodynamique quantique, ou bien dans des problèmes comme des problèmes qu'il a étudiés par la suite sur la superfluidité, où sa vision de l'intégrale de chemin a apporté des visions complètement nouvelles. Donc voilà, c'est ça ce qui est tout à fait remarquable, c'est que il transforme cette idée simple et très belle en un outil qui va lui permettre d'avancer. Alors peut-être qu'on peut justement appliquer et essayer de comprendre comment et pourquoi Richard Feynman s'est intéressé à l'électrodynamique quantique. Peut-être rappeler aussi, Jean-Zine Justin, où en est à ce moment-là l'état de la connaissance de la physique théorique sur la quantification de la physique classique. Ce sont des travaux qui sont en pleine ébullition, en pleine effervescence. Hein. On a un peu oublié, abandonné ou laissé de côté la relativité générale dont on a l'impression d'avoir fait le tour, et d'un seul coup, la mécanique quantique à ce moment-là, c'est l'endroit où tous les théoriciens vont, cherchent, effectuent leurs travaux de recherche. La mécanique quantique, elle a été proposée dans les années 25-26 par Heisenberg, Schrödinger et des gens qui ont contribué, il y a Niels Bohr, etc. C'est un de grands noms de la physique. Dès cette époque, bien entendu, la relativité restreinte d'Einstein était bien connue, puisque Einstein avait écrit en 1905, c'est-à-dire longtemps avant. Mais les premières tentatives de fusionner la mécanique quantique et la restreinte ont donné lieu à des échecs. Et en ce sens, pour prendre une image contemporaine, c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons aujourd'hui pour unifier la mécanique quantique à la relativité générale, pour lequel on n'a pas non plus de solution, malgré au moins 40 ans de recherche. Et donc, le problème qui s'est posé, le suivant, c'est qu'il fallait passer, c'était pas simplement d'écrire des équations pour des particules qui seraient à la fois quantiques et relativistes. Le but, c'était qu'il fallait, parce qu'à ce moment-là, on commence à parler de dualité onde particule, et le but, c'est qu'il faut intégrer aussi les équations de Maxwell, qui sont l'électromagnétique, donc hein. L'électromagnétisme, c'est-à-dire ce qu'il décrit, l'optique, le magnétisme. On va renvoyer nos auditeurs. Oui. On avait consacré une émission entière à Maxwell et à l'électromagnétisme. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Et donc, c'est une théorie des champs. C'est pas une théorie de particules ponctuelles. C'est le champ magnétique qui est la dynamique, qui est dynamique et le champ. Donc, l'idée, c'était que aux particules chargées, qui à l'époque c'était l'électron et le proton, il faudrait probablement aussi ajouter les champs. Donc, par exemple, l'équation de Dirac de 1928, qui est un progrès vers l'introduction de la relativité restreinte, c'est de nouveau une particule dans un champ électromagnétique. Et donc, il y a eu là un saut, un changement de paradigme très important. Alors, les bases de cette théorie ont été formulées par Heisenberg et Pauli dans 29-30. Simplement, pour faire un calcul modeste que je donnerai à nos étudiants de M2, d'un diagramme de Feynman, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, élémentaire, eh bien, il a fallu 4 ans à des gens comme Oppenheimer qui s'est trompé, et finalement c'est Vicky Weisskopf, après que Fury lui a encore fait remarquer qu'il avait fait une erreur, qui a trouvé le bon résultat. Et le résultat, c'était que, eh bien, le résultat était infini, et ça c'était une catastrophe. Donc, et ensuite, il n'y a pas eu de progrès majeur, en ce sens qu'on a surtout exploré le fait, soit certains physiciens ont dit la mécanique, ça s'appelle maintenant l'électrodynamique quantique, l'interaction entre le champ électromagnétique et les protons et les électrons, soit c'est tout à jeter, qui était une réaction qui a été un certain nombre, soit il faut la modifier, mais personne n'avait la moindre idée de comment la modifier. Et c'était un problème compliqué. Donc, quand Feynman, les jeunes, il faut se rendre compte, c'est une question de génération. Les jeunes arrivent sur le terrain, donc c'est Feynman, c'est Schwinger, en Japon c'est Tomanaga. Les trois qui auront le prix Nobel en 65 d'ailleurs, pour ces travaux exactement. Bon, ils vont faire plusieurs choses. D'abord, quand la physique est confrontée à des difficultés conceptuelles profondes, c'est bien d'avoir des résultats expérimentaux. Et c'est quand même le fait qu'après la guerre, grâce aux évolutions techniques sur les radars d'ailleurs, développement, on a pu mesurer par exemple le spectre de l'atome d'hydrogène avec beaucoup plus de précision, et puis des déviations de la théorie de Dirac dans la propriété des électrons. Il y a une conférence célèbre en 1947 à Shelter Island où tout le monde s'est réuni pour en parler. que ça a débloqué le système. C'est-à-dire, la première personne qui a réussi à comprendre quelque chose intuitivement, c'est Hans Bethe, qui est retourné à Cornell et dans le train a fait un petit calcul. Et il a été le premier à montrer que, ben, en gros, il a fait de la cuisine. C'est-à-dire, il a dit, j'ai quelque chose d'infini, j'ai une autre chose infinie, je l'ai soustrait. Évidemment, tout mathématicien a hurlé d'effroi devant cette situation. Et puis, je vais trouver un résultat. Et en fait, le résultat était l'ordre de grandeur était correct du lamp shift. Alors, simplement, ce que faisait Bethe, c'est qu'il continuait à faire une approche non relativiste. C'est-à-dire, il utilisait encore les méthodes de la mécanique continentaliste. Et ça rendait ses calculs épouvantablement compliqués pour les. Alors, la nouvelle génération. Ils ont fait une théorie directement relativiste de ces effets, les a calculés très rapidement. Et c'est l'électrodynamique quantique est actuellement la théorie la mieux vérifiée. Mm-hmm. Et une des contributions majeures, c'est celle de Feynman. Feynman et Schwinger qui sont un peu en compétition hein, l'un et l'autre, oui. Mais pour nous redire les choses autrement avec vos propres termes, Jean-Bernard Zuber, comment est-ce que précisément cette intégrale de chemin permet de formaliser totalement différemment, d'aboutir à des résultats théoriques, calculatoires plus simples, plus précis, plus efficaces? Je ne vais pas répondre directement à votre question, je vais peut-être continuer l'histoire que nous racontait Jean. Un an après la conférence de Shelter Island, essentiellement les mêmes protagonistes, c'est-à-dire toute la fine fleur de la théorie américaine, se retrouvent à une autre conférence à Pocomo, dans Pennsylvanie. Et là, l'homme du jour, qui fait sensation, c'est Schwinger. Parce que Schwinger arrive avec un calcul qu'il vient de compléter, qu'il vient de terminer, alors qu'il a terminé quelques mois avant, mais qu'il présente. Je crois que c'est le calcul du rapport gyromagnétique de l'électron. Premier calcul complètement relativiste, covariant, avec un résultat fini qui est comparé aux résultats expérimentaux. Donc, les résultats expérimentaux qui, comme Jean le disait tout à l'heure, ont renouvelé la situation et qui avaient donc été présentés en 1947, c'était d'une part ce qu'on appelle le déplacement lambe, c'était un petit écart entre des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, et puis par ailleurs donc ce rapport gyromagnétique qui mesure de façon très précise comment le petit moment magnétique, le petit aimant, si vous voulez, qui est porté par un électron, comment est-ce qu'il se rapporte à la valeur qu'il devrait avoir au départ, qui est une valeur à laquelle on donne un nom traditionnellement, le magnéton de bord. Bon, il y a un facteur qui, en première approximation, le calcul avait été fait par Dirac, vaut 2. Et puis en fait, ce rapport, c'est pas exactement 2 à cause de petits effets quantiques subtils, c'est 2 plus un petit quelque chose, ou plutôt, voilà. Deux plus un petit quelque chose, c'est ça. Et le petit quelque chose, aux premières approximations, est calculé par Schwinger. Calculé à Schwinger pendant l'année 47-48. Il présente ça à cette conférence de Pocomo. Ça fait sensation, à tel point qu'on lui demande de refaire la même conférence une deuxième fois, puis une troisième fois dans la même journée. Et le malheur Feynman, qui était programmé pour présenter ses propres travaux, auxquels il tenait beaucoup, qui était justement la première ébauche de ces diagrammes de Feynman, le malheureux Feynman arrive après ce succès de Schwinger, et là, le malheureux, il fait un bide total, si vous me permettez. C'est-à-dire que, d'une part, il présente peut-être les choses devant un auditoire un peu fatigué, et puis son approche est tellement non conventionnelle, on revient sur le point qu'on disait tout à l'heure, il a inventé une méthode différente, ça prend tout le monde de court, il est bombardé d'objections, personne n'y croit, Oppenheimer n'y croit pas, Bethe est sceptique, etc., etc. Et le malheureux part complètement dépité. Et puis, il travaille, et finalement, il écrit, au cours de l'année 49 et dans les années suivantes, il écrit plusieurs articles qui sont maintenant considérés comme des articles fondateurs de la théorie quantique de l'électrodynamique quantique, en parallèle aux articles que Schwinger a écrits de son côté. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une compétition entre ces deux personnes qui sont contemporaines, ils sont tous les deux nés en 1918, et avec des approches complètement différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux diagrammes de Feynman? Eh bien, Feynman, il les a, je crois, c'est pas très clair la genèse de son idée, c'est parce qu'il cache un petit peu les... Il explique beaucoup de choses dans ses articles, mais ça, c'est pas complètement clair. Je pense qu'une partie de son intuition, une partie de son idée, vient justement de cette intégrale de chemin, de cette somme sur le chemin, qui lui donne une vision des choses. Et ces fameux diagrammes de Feynman dont nous allons parler, ce sont des petits dessins qui servent au départ à remplacer une grande expression mathématique compliquée sous une forme pictorielle. Extrêmement simple. Extrêmement simple. On va vous mettre là aussi des images hein, sur le fil Twitter. Des flèches, un trait ondulé. Voilà, des flèches, des lignes qui se rejoignent, des lignes ondulées pour représenter les photons, des lignes droites pour représenter les électrons ou les positrons, les anti-électrons. Donc, tout devient très visuel et surtout, c'est une aide puissante au calcul, parce que au lieu d'écrire une grande formule mathématique, vous faites un petit dessin et avec des règles bien choisies, vous savez exactement ce que ce petit dessin représente. Donc, au départ, ça surprend complètement la vieille génération, et puis très rapidement, les jeunes adoptent ça. Et c'est très curieux d'ailleurs de voir que l'idée de ces diagrammes de Feynman se répand très rapidement, comme une traînée de poudre, par la jeune génération. Les tout jeunes alors, hein, ce sont les jeunes qui sont en formation à Princeton, à Cornell, sur la côte Est d'abord, puis ensuite ça s'en va vers Chicago, vers la côte Ouest. Et je lisais quelque part un certain David Kaiser qui expliquait très bien que cette période des années 1948-1949, c'est également le début des systèmes de post-doc aux États-Unis. Mm-hmm. C'est-à-dire que les jeunes, après avoir passé leur thèse, ils étaient éjectés de leur laboratoire de formation. On leur disait, va ailleurs, va te former ailleurs. Et eh bien, un petit peu comme l'abeille qui butine et qui porte de pollen de fleur en fleur, ces jeunes post-docs, ils ont emporté les idées de Feynman et ils ont comme ça... Essaimé. Les diagrammes partout. Exactement. Dans les laboratoires de physique théorique aux États-Unis. La méthode scientifique, Nicolas Martin. De tel que quelques notes de Charlie Parker pour reprendre des forces et poursuivre l'examen de la carrière scientifique de Richard Feynman, puisque c'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans ce jeudi consacré à l'histoire des sciences dans la méthode scientifique. Il est 16h40, vous écoutez bien France Culture et nous parlons donc de Richard Feynman en compagnie de Jean-Zine Justin qui est physicien théoricien, conseiller scientifique Haut Commissariat à l'énergie atomique et membre de l'Académie des sciences, et Jean-Bernard Zuber, qui est physicien théoricien, professeur émérite à Sorbonne Université. Nous parlions de, juste avant Charlie Parker, de ces diagrammes de Feynman qui sont un autre des apports essentiels de Richard Feynman à la physique théorique. J'aimerais vous entendre là-dessus, Jean-Zine Justin, sur l'importance de ces diagrammes. Non, une des raisons pour lesquelles c'est devenu très populaire, c'est que finalement, démontrer à partir des premiers principes de la théorie quantique des champs les propriétés de ces diagrammes de Feynman, c'est pas simple. Par contre, expliquer un diagramme de Feynman, c'est-à-dire je fais ce dessin, voilà les règles du jeu pour ces dessins, et à ces dessins, il y a des règles, hein, on s'appelle les règles de Feynman, donc si je fais ce dessin-là, ça veut dire ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile à expliquer aux étudiants. Hein, et ça leur permet de faire des calculs sans comprendre forcément toutes les subtilités de la théorie quantique des champs. Et je crois que c'est ça qui a fait donc beaucoup de gens se sont mis à faire des calculs, et à l'époque il y avait beaucoup de calculs à faire, puisque rien n'avait été fait, sans toujours être... Alors que l'approche de Schwinger, qui est une approche beaucoup plus formelle, il fallait... La barrière à franchir était plus importante. Et je crois que ça reste vrai maintenant même. C'est-à-dire, moi, quand j'ai un problème qui est lié à la théorie quantique des champs, je fais aussi mes petits dessins. Hein. D'abord, bien sûr, je sais ce qu'il y a derrière, je comprends la théorie des champs, mais je fais mes petits dessins parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de corrections quantiques. Donc, ces dessins, ça a permis de classer toutes les corrections quantiques avec des dessins. Et de se montrer, de se rendre compte qu'on s'est pas trompé, qu'on en a pas oublié des morceaux, etc. Alors que si on part des premiers principes, c'est long de faire ça. Hein. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour notre imagination, pour comprendre les corrections quantiques. Hein. C'est pour ça que ça a eu tant de succès, des succès légitimes. Et de nos jours, c'est encore vrai, c'est encore utile dans une première approche des choses. Jean-Bernard Zuber, vous faites aussi, vous, des petits dessins? Je fais des petits dessins à l'occasion, bien sûr. Nous faisons tous des petits dessins. Effectivement, ça a été non seulement un outil extraordinaire pour le développement de l'électrodynamique quantique, mais ça reste l'outil utilisé par tous les physiciens, surtout en physique des particules, mais également dans d'autres domaines de la physique. Ces diagrammes de Feynman ont été utilisés dans d'autres contextes. Et mes collègues qui travaillent sur les effets fins qu'on observe auprès de l'accélérateur à lâcher du CERN, quand ils veulent prédire ou comprendre tel ou tel phénomène, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent des petits diagrammes de Feynman et ensuite ils s'attellent au calcul. Parce que le dessin, c'est pas tout, il y a un calcul à faire derrière. Mais encore une fois, c'est un résumé d'une expression mathématique à effectuer. Et je parlais tout à l'heure du facteur gyromagnétique de l'électron. J'aurais peut-être pu ajouter que le calcul qui avait été fait initialement par Schwinger, c'est ce qu'on appelle un calcul au premier ordre, c'était la première correction quantique, puis ensuite on calcule un effet plus fin au deuxième ordre, au troisième ordre, on en est actuellement au calcul du quatrième ordre, et au quatrième ordre, dans mon souvenir, il y a 890 ou quelque un ordre de grandeur, cet ordre de grandeur, 890 diagrammes de Feynman à calculer. Eh bien, le calcul a été effectué par des gens courageux pour obtenir un accord fabuleux entre la valeur mesurée et la valeur théorique. Oui. Donc c'est vraiment un outil qui reste un outil très formaliste, puissant, comme très le disait Jean, très utilisé, bien sûr, dans la physique contemporaine. Peut-être un mot avant de passer brièvement à la suite et aux travaux de Feynman sur les interactions fortes et faibles. Peut-être un mot, vous l'évoquiez tout à l'heure pendant qu'on écoutait Charlie Parker, Jean-Zine Justin, sur la différence de postérité entre Feynman et les travaux de Feynman sur l'électromagnétique quantique et la postérité de Schwinger ou de Tomonaga, le japonais dont les travaux sont sortis plus tard suite à la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi est-ce qu'on a retenu plus ceux de Feynman que de Schwinger? Tomonaga, je ne l'ai jamais rencontré. Hein, donc, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. J'admire simplement quelqu'un qui, dans un Japon dévasté, continue à faire de la théorie fondamentale. Hein. Mais je ne l'ai pas rencontré. Par contre, j'ai entendu Schwinger, et plus d'une fois. Et Schwinger était quelqu'un d'extrêmement timide. Hein. Il me semble que c'est Raymond Stora qui me disait que les étudiants, comme ils n'arrivaient pas à lui poser des questions après ses cours, parce qu'ils fuyaient après ses cours, ils mettaient des questions sur le tableau et ils venaient la nuit pour répondre à la question. Et le lendemain matin, au MIT, ils venaient lire la réponse. Hein. Et donc, en plus, c'était un esprit... assez, disons, qui avait une compréhension très algébrique des choses, hein, et plus difficile à comprendre, bien que moi j'ai beaucoup bénéficié de l'approche de Schwinger, qui était aussi une approche très, très importante. Mais Feynman, au contraire, c'était un showman. Hein, il adorait faire du show. Il était content d'être une vedette. D'ailleurs, il explique dans son dernier livre, il voulait en plus qu'on le reconnaisse comme bon danseur, un bon chanteur, bon, etc. Il est une pop star, hein, c'est ce que voilà, je disais dans l'introduction de cette émission. Ce qui n'était pas très utile, je trouve, mais enfin, voilà. Donc, il adorait ça et il adorait la confrontation avec le public. Hein, même si parfois il disait des choses trop subtiles pour son audience. Hein, j'ai juste une chose que je voudrais rappeler, hein, c'est que cette compensation des infinis dans lequel ces gens ont contribué, c'est-à-dire une fois qu'ils ont eu une approche relativiste, ils ont été capables de mieux expliquer comment des infinis peuvent se compenser. On s'appelle, il y a les mots régularisation, renormalisation. Pour dire que c'était une chose extravagante et que s'il n'y avait pas eu l'expérience pour la confirmer, on n'y aurait pas cru. Eh bien, en 1968, j'ai écouté Dirac. Et Dirac a expliqué que la théorie électrodynamique quantique, c'était tout faux. À cause des infinis. Donc, il n'avait pas accepté. Seulement, bon, quelle que soit l'approche, et aussi bizarre qu'elle puisse paraître, lorsqu'elle coïncide avec l'expérience, on est obligé de la prendre au sérieux. Hein. Mais Dirac l'expliquait froidement que c'était tout faux. On est malheureusement un peu pressé par le temps, donc on va pas avoir le temps de parler des travaux de Feynman sur l'interaction forte et l'interaction faible. On va vous mettre quelques liens sur le fil Twitter et puis on aura l'occasion d'en reparler certainement dans d'autres émissions. On va être obligé d'avancer un peu dans le temps pour à nous amener à ce congrès de l'American Physical Society au cours duquel Feynman va employer un titre qui est resté célèbre dans l'histoire de la physique. There's plenty of room at the bottom. Il reste plein de place au fond pour évoquer eh bien ce qui va devenir ce que l'on appelle aujourd'hui l'ordinateur quantique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors si Feynman va finir par penser qu'un ordinateur conventionnel ne peut pas reproduire des comportements quantiques, il a néanmoins ouvert la voie à la recherche actuelle dans ce domaine. Oui, et pour comprendre tout ça, je suis allé rencontrer Claude Aslangul, qui est professeur émérite à Sorbonne Université et chercheur en physique théorique et en mathématiques appliquées. Il nous explique comment, à partir de cette idée un peu folle soulevée en 1982 par Feynman d'attribuer à un ordinateur des propriétés quantiques, les géants de l'informatique bataillent depuis des années pour mettre sur pied ce type de machine qui pourrait surpasser dans les décennies à venir les supercalculateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. La question que pose Feynman, c'est est-ce qu'on peut mimer, singer, imiter les phénomènes que décrit la théorie quantique, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, est-ce qu'on peut les mimer donc avec un ordinateur conventionnel ? Sa conclusion est clairement non. Alors pourquoi non ? Bon, vous savez bien que la théorie quantique, c'est une théorie de l'infiniment petit, c'est une théorie très bizarre, mais en fait, comme le dit Feynman lui-même, la théorie est bizarre parce que c'est la nature qui est bizarre. Autrement dit, le monde de l'infiniment petit, les tout petits objets, les atomes pour fixer les idées, ont un comportement qui est radicalement différent de ce à quoi on était habitué en physique classique. Alors, il y a mille bizarreries. Le fait est que pour Feynman, pourquoi aucun ordinateur conventionnel, usuel, ne pourra jamais mimer un système quantique? C'est parce que pour un système quantique, on vous dit toujours il a deux états. En fait, non, il a une infinité d'états. C'est-à-dire que, imaginez que l'état, ce soit la couleur bleue ou rouge, ou 0 et 1, peu importe, ce sont des états de base en quelque sorte. Mais la théorie nous explique que le système quantique peut avoir une infinité d'états qui contiennent potentiellement dans des proportions absolument arbitraires, et comme c'est arbitraire, il y a une infinité d'états possibles, la couleur bleue, la couleur rouge. Voilà. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est une autre bizarrerie quantique. Bon, imaginez que vous vouliez savoir quelle est la couleur de votre système. Vous allez faire une expérience, une mesure, et puis vous allez trouver, mettons, rouge. Est-ce qu'on peut en déduire que, juste avant d'avoir fait la mesure qui a donné le résultat rouge, le système était dans l'état rouge? Alors, on n'a pas le droit de le dire. C'est extrêmement bizarre, mais c'est ainsi. Si on le disait, ça rentrerait en conflit avec mille autres expériences où on pourrait faire des affirmations du même type qui seraient contradictoires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre système est dans une espèce de combinaison de potentiel de bleu et de rouge, il traite les deux possibilités simultanément. C'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Alors qu'un ordinateur classique, un circuit électrique, il ne connaît que 0 ou 1. À tout instant, le bit classique est dans l'état 0 ou dans l'état 1. Le bit quantique, qu'on appelle les qubits, vous avez vu ça, les qubits sont potentiellement dans n'importe quelle combinaison linéaire des deux. C'est-à-dire que si vous arrivez à manipuler ces qubits, vous traitez simultanément toutes les possibilités. Et c'est ça qui fait le parallélisme quantique. Et on sait bien qu'au lieu de regarder les choses de façon séquentielle, comme avec un circuit classique, vous examinez toutes les possibilités en même temps. C'est ça qui donne à l'ordinateur quantique potentiel ses capacités phénoménales. Alors depuis 82, depuis l'émission de cette hypothèse, idée d'un ordinateur quantique, quel chemin a été parcouru? Est-ce que Feynman a été entendu? Alors, il y a une chose aussi, si vous voulez, avec un qubit, vous ne faites rien. Hein. Mm-hmm. Donc ce qu'il faut, c'est faut rassembler des qubits pour pouvoir faire des calculs intéressants, hein, schématiquement parlant. Là, on tombe sur une autre difficulté de premier ordre, qui est la suivante. Plus vous allez assembler un grand nombre de qubits, plus vous le faites grossir, plus vous vous rendez fragile sa capacité à se comporter quantiquement. Dit autrement, quand vous prenez un petit système, quel qu'il soit, et que vous le faites grossir, peu à peu, son aspect quantique a tendance à s'évanouir. Alors, on a les raisons, je ne peux pas rentrer dans le détail, des raisons qui permettent de comprendre ça, mais on a une théorie qui s'appelle la théorie de la décohérence. Donc il y a un temps caractéristique pendant lequel, en gros, le système conserve sa capacité quantique à faire des calculs extraordinaires. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de décohérence. Au bout de ce temps-là, le système n'est plus quantique. Donc il n'est plus capable de faire ce que vous attendez de lui. Et donc toute la question est de savoir quel est ce temps de décohérence. Alors le problème, c'est qu'il décroît exponentiellement vite avec le nombre de qubits. C'est-à-dire que ça va à toute vitesse. Si vous augmentez le nombre de qubits, le temps de décohérence chute à pratiquement zéro extrêmement vite. Moralité, la toute première difficulté, c'est d'assembler un grand nombre de qubits pour leur permettre de faire. Et là, je voyais qu'IBM, il n'y a pas très longtemps, a annoncé qu'ils avaient réussi à assembler 20 qubits pendant 90 microsecondes, hein, 90 millionièmes de secondes. Le temps qu'il lui faut pour faire le moindre calcul. Parce que si évidemment la cohérence, la décohérence quantique a opéré, votre truc, il se comporte comme un machin classique. Bon, donc il n'y a plus aucun intérêt du point de vue de l'objectif que vous êtes posé, que vous êtes fixé. Au-delà de cette difficulté-là, quelles autres grandes difficultés s'opposent? Les autres grandes difficultés, c'est que quand vous voulez un ordinateur, quel qu'il soit, classique ou quantique, vous devez avoir une espèce d'algorithme, c'est-à-dire une succession d'opérations que vous allez demander à la machine d'effectuer. C'est ça un algorithme en fait. Pour l'ordinateur quantique, on n'a pas d'algorithme universel. Hein, c'est que pas comme avec les calculateurs, les ordinateurs conventionnels, où on a des langages de programmation, où vous pouvez calculer un profil d'aile d'avion ou un programme de recherche dans les big data ou des choses comme ça. Bon, on a des langages qui sont universels, en un sens. Dans le cas de l'ordinateur quantique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous avez un problème donné, que vous voulez résoudre avec l'ordinateur quantique quand vous l'aurez réalisé, il faudra d'abord écrire l'algorithme, d'accord? Et actuellement, à ma connaissance, on connaît très peu de problèmes pour lesquels on dispose d'un algorithme susceptible d'être enfourné, en quelque sorte, dans un ordinateur quantique pour lui permettre de faire le calcul. Donc c'est, en un sens, c'est pas vraiment une utopie, parce qu'on peut, en science, il faut jamais affirmer, on ne pourra jamais faire ça. Ça, c'est évident. Mais il y a quand même, si vous voulez, un certain nombre de raisons qui permettent de penser que ce n'est pas pour demain. Voilà, Claude Asselangul sur l'ordinateur quantique. Peut-être un mot, Jean-Zine Justin, Jean-Bernard Zuber, sur la pensée de Feynman au départ qui amène... Oui, d'abord, il y a une chose à dire, c'est qu'effectivement, les systèmes quantiques sont des systèmes, c'est-à-dire des systèmes qui obéissent exactement à la mécanique quantique, ce sont forcément des systèmes parfaitement isolés du monde extérieur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait perte d'informations. Il ne faut pas qu'il jette de l'information extérieure. Or, dès que vous avez, par exemple, un peu de température et d'agitation thermique, vous perdez de l'information et le système perd sa cohérence. Hein. Donc, on entendait le principe de décohérence. Oui, oui. Donc, c'est ça ce qui fait que construire un ordinateur quantique, c'est un défi incommensurable. Bon, l'autre chose, c'est que, si j'ai compris la pensée de Feynman, en fait, sa pensée était plus gênée. Alors, bon, pourquoi les gens sont si excités de l'ordinateur quantique? C'est parce qu'un des algorithmes qui sont prouvés pour l'ordinaire quantique, c'est l'algorithme de Shor qui permet de factoriser les nombres premiers. Et comme vous savez, les nombres, la factorisation des nombres premiers, c'est lié... En cryptographie. Voilà, en cryptographie. On en a largement parlé. On va vous remettre là aussi le lien vers l'émission sur le fil Twitter. Donc c'est pour ça que ça, ça a eu un tel écho. Mais je pense que sa pensée était un peu plus générale et qu'en fait, il avait aussi dans l'idée la notion de simulateur quantique. Autrement dit, il a une phrase qui, je la paraphrase parce que ça fait longtemps que je l'ai lue, c'est pourquoi ne pas simuler un système physique par un autre système physique? Et ça, c'est une idée beaucoup plus réaliste. L'exemple, c'est que un certain nombre de nos collègues de physique atomique travaillent sur ce qui s'appelle les réseaux optiques, c'est-à-dire avec des lasers, on peut créer des réseaux qu'on peut manipuler, leur taille, en changeant les longueurs. Et on peut mettre dans les mailles du réseau des ions. Et on peut les rapprocher, les écarter. Donc, on peut changer l'interaction entre les ions. Et on peut donc représenter des vrais systèmes de cette manière. On arrive dans les toutes dernières minutes de cette émission. On retrouvera la Bibliothèque des Sciences. On a pris un peu plus de place pour parler de Richard Feynman. Pour poursuivre cette discussion passionnante, vous retrouverez la Bibliothèque des Sciences la semaine prochaine. Peut-être un mot pour conclure. On a parlé brièvement au début de cette émission de ces travaux de vulgarisation. Il y a aussi beaucoup de ces livres, en partie autobiographiques, qui ont beaucoup séduit le grand public et son humour. Peut-être en dire un mot pour conclure, Jean-Bernard Zuber. Vous plaisantez ou sur Surely You're Joking, Mr. Feynman, et What Do You Care About What Other People Think, qui a été traduit. Vous y comprenez quelque chose, Monsieur Feynman, en français? Ces livres, effectivement, c'est écrit sur un style très libre. Feynman raconte beaucoup d'anecdotes et Feynman, il faut le dire, c'est quelqu'un qui aimait faire le show. C'est une personnalité très extravertie. Il était très plein de vitalité. Il aimait s'amuser, quelquefois aux dépens de ses collègues, mais de façon en général aimable. Et puis quelquefois, ça choquait un peu plus. Et disons, ce style ne plaisait pas à tout le monde. Comme vous imaginez bien, dans le monde académique, certains ont un style un peu plus compassé. Donc le style de Feynman choquait ou irritait certains. Et je dois dire que quand j'ai lu ce livre « Surely you are joking, Mr. Feynman », j'ai été moi-même un petit peu irrité. Il a une façon de se mettre en scène comme étant toujours le meilleur à tout ce qu'il entreprend, qui est finalement un peu irritant. Il explique que quand il était enfant, il a commencé à ouvrir des cadenas et qu'ensuite, pendant le projet Manhattan à Los Alamos, il savait ouvrir tous les coffres forts contenant tous les secrets de la bombe atomique. Il explique qu'un jour, il voit un peintre qui est en train de repeindre un bout de couloir dans son laboratoire. Il commence à avoir une discussion avec le peintre et il finit par expliquer au peintre qu'il comprend beaucoup mieux les histoires de couleurs que lui, le peintre, parce que lui, il a une théorie quantique de la lumière, etc., etc. Et quand il va au Brésil, il se persuade qu'il devient le meilleur danseur et joueur de samba de tout le Brésil. Voilà, donc il en fait trop. Il en fait trop. C'est ça un peu le sentiment qu'il donne. Et en même temps, c'est une personnalité très attachante, pleine d'humour, et puis une telle vitalité, une telle imagination. Alors, pour terminer, puisqu'on vient de parler de l'ordinateur quantique, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que ça montre que Feynman, il avait des intérêts en tout. Aussi bien dans sa discipline de départ, mais même, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, il a appliqué ses idées à des tas de problèmes de physique, et puis s'intéresser aussi aux calculs, au calcul mathématique, au calcul numérique. Il avait été d'ailleurs group leader à Los Alamos, chargé de superviser les gens qui faisaient des calculs avec des petites calculettes à manivelle. Pour le projet Manhattan. Pour le projet Manhattan. Et donc, c'est cet intérêt. Il a même fait un peu de biologie à un moment donné. Il a fait un peu de biologie. Il y a eu un projet qui s'appelait la Thinking Machine qui était lancé au MIT. Son fils travaillait dans ce groupe-là. Voilà, il avait des intérêts universels. Voilà, vous y comprenez quelque chose, Monsieur Feynman. Vous rigolez, peut-être êtes-vous en train de rire, Monsieur Feynman. Ce sont ces deux livres que vous pouvez retrouver si vous voulez vous intéresser à ce personnage. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci Jean-Zine Justin, merci Jean-Bernard Zuber d'être venu nous parler de cette carrière et de cette personnalité iconoclaste, on l'aura bien compris, de Richard Feynman. Un mot pour vous dire également que vous pouvez retrouver depuis hier le deuxième numéro des Idées Claires sur le site franceculture.fr et sur les réseaux sociaux de France Culture. Hein, toutes les semaines, on prend un régime de désinformation. On essaye de dire aujourd'hui ce que atteste la science après la théorie de l'évolution la semaine dernière. Nous parlons cette semaine dans les idées claires de l'homéopathie. Vous pouvez retrouver ça sur les fils Twitter, Facebook et sur franceculture.fr. the line between ghetto slang and stimulation of the mind. Life is a labyrinth of dollars and cents as I quest for cream. Through the steam so dense from the sense in me a puff, cause the tunnel is tough. Some dick shots for sound, some of us from the cannon. Experts, original man, I'll examine. I am in fact lacking confusion as to what's real and what's illusion. I come from Philadelphia, health, you never take for granted. It's hot as the equipment. This is just one I made back in the year 1995 for you. Don't think the band of your soul. Who controls the eight immortals but the number seven in this continual maze? Where nights fight with days, within my mind never wind blaze. And some say I should change my ways, but it's hard to hear the phrase through the havoc and haze. Thoughts that will never cease, I'll never cease to excel. Great is the great lab dweller. The mentors of the roots are beyond any computer. The judge, prosecutor, or the drug distributor. Respect to the ex Lex Luger. My nigga Malik be the intruder. Philip Fifth Dynasty's the future. And DJ Shadow is the producer. You're dealing with the ginseng roots. We get your renaissance looser. Remember me, the thought I represent essentially. And mentally, eventually, you mention me as most high. My decibels are most fly. I come to paint your thoughts black. Yo, Shadow, where's that? And Latifah, music and souls. If you think it's a no, then you insane. Transforms, take you to new planes. This is for all y'all, folks who say, oh no. We ain't gon' dance and enhance on this man's song. You get your ass up, how could you pass up the chance to bring us in your world? Can you stand up? Look out. mistakes.